Les Betkas, une nouvelle de Henri Gréville, issue du recueil Croquis. Serge Manouroff était grand chasseur, par goût d'abord, par habitude ensuite. Quand on passe toute l'année en province et qu'on peut chasser sur ses propres terres, sans permis ni garde champêtre, on aurait bien tort de négliger le seul, ou à peu près le seul plaisir vraiment digne d'un homme que puisse offrir la solitude. Serge aimait aussi les chevaux. Depuis un temps immémorial, les Manouroff avaient fondé un haras superbe, où les propriétaires des environs se fournissaient d'étalons et de poulinières. Les produits de ce haras n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient tous remarquables par leur perfection. Serge passait une vie heureuse entre son haras et son fusil. Mais pour chasser, un fusil ne suffit pas, il faut des chiens. Et Serge avait une meute, non pas une meute bruyante pour la montre, mais une collection de chiens bien choisis, bien appareillés, capables de chasser, ensemble ou isolément, suivant leurs aptitudes diverses, le renard, l'ours, le lièvre ou le gibier à plumes. Le chenil était bien tenu, les portées soigneusement comptées, et jamais aucun chien n'était vendu. « Le chien, disait Serge, est une trop noble bête pour qu'on puisse le payer avec de l'argent. » Il donnait donc ses chiens, car il n'était pas avare. La reine du chenil, et aussi de la maison, était les Betkas, grands lévriers femelles de Sibérie, aux poils d'argent, sans taches, frisés et soyeux comme ceux d'une chèvre d'Angora. Elle était si grande qu'assise sur son séant, elle dominait la table de toute la hauteur de son cou de cygne et de sa longue tête fine. Pendant le dîner, si son maître l'oubliait, elle lui léchait le cou, sans autre effort que de lever un peu le museau et lui rappeler ainsi sa présence. Elle obtenait alors le petit morceau de pain blanc, objet de ses désirs, la seule friandise que lui permit Manouroff. Les Betkas, dont le nom veut dire cygne, méritaient cette noble appellation par la grâce de son allure. Quand elle forçait le lièvre à la course, ses quatre pattes allongées formaient avec son corps une seule ligne à peine onduleuse. Elle était si légère qu'elle ne laissait presque pas d'empreinte sur la terre meuble. Sa douceur n'avait pas d'égal. Sa soumission sans borne lui faisait braver son instinct jusqu'à quitter la piste au sifflet de son maître, tandis qu'aucun appel étranger ne lui faisait seulement dresser l'oreille. Les Betkas avaient 3 ans et demi. C'est l'âge où un chien a donné la mesure de ses qualités. La jolie bête avait prouvé qu'elle était parfaite. Parfaite au point de n'avoir agréé pour époux que le plus beau, le plus blanc des lévriers de la meute. Un superbe animal, presque aussi remarquable qu'elle-même, mais marqué d'une tache grise à l'oreille et moins irréprochable à la chasse. Aussi, Serge avait-il refusé 100 fois de se séparer de sa chienne. Il avait donné les petits lévriers de son unique portée, il n'était pas avare, nous l'avons dit, mais il n'en voulait pas élever d'autres de peur de fatiguer les Betkas. Elle était si belle, si blanche, si douce. Elle allait et venait dans la maison avec l'air royal d'une souveraine qui sait que tout lui appartient. Elle s'allongeait au pied de son maître ou derrière sa chaise pendant le jour. Elle dormait sur une natte au pied de son lit, et dès qu'il ouvrait les yeux, à toute heure de la nuit, il rencontrait le regard de ses yeux bruns, profonds et doux comme des yeux de circassienne, avec une expression d'intelligence et de bonté qui n'appartient point à l'homme. Certains propriétaires des environs, nommés Marcine, s'étaient pris de passion pour les Betkas. Ils l'avaient vue à la chasse et savaient ce qu'elle valait. D'ailleurs, il possédait un lévrier gris de fer, et son idée était d'en perpétuer la race. Les Betkas lui paraissaient seuls dignes de prolonger la dynastie de son lévrier. Il fit part de son idée à Manouroff, mais n'obtint qu'un médiocre succès. « Les Betkas est à moi, » dit le jeune homme. « Je me la suis réservée. Je suis fâché de te la refuser. Choisis parmi les autres chiennes de son espèce celle qui te plaira. Je te la donne de grand cœur. Mais les Betkas est à moi. » Marcine ne se rebuta point d'un premier échec. Il était de ceux qui obtiennent souvent par l'importunité ce qu'on est fâché de leur donner. Il revint à la charge. « Je ne te demande pas de me la donner. Je te prie de me la vendre, » dit-il quelques semaines plus tard. « Veux-tu 500 roubles argent ?»« Je ne suis pas marchand de chiens, » répondit Serge. « Et les Betkas vaut bien plus de 500 roubles. Choisis dans mon chenil la chienne que tu voudras, » te dis-je, « et laisse-moi tranquille. » Quelques mois après, Manouroff se trouva bien embarrassé. On lui demandait une troïka de chevaux noirs. Il y avait bien au haras 2 superbes chevaux de volée, noirs et brillants comme le jais. Mais le cheval de brancard ne se trouvait pas. Il faut pour cet usage une bête solide, large du poitrail et de la croupe, ferme de l'échine est capable de supporter à un moment donné la masse de l'équipage qui en réalité se trouve pesée uniquement sur elle. Serge parlait un jour de son embarras devant Marcine, qui était venue dîner avec lui à la mode de la campagne, sans cérémonie et sans invitation. « J'ai ton affaire, » dit Marcine, qui avait aussi un haras. « Mes chevaux sont moins jolis, mais plus robustes que les tiens. Tu ne fais que des chevaux de luxe, toi. »« J'aime tout ce qui est beau, » répondit placidement Manourov. Lebedka vint poser sa tête sur l'épaule de son maître et le regarda avec tendresse. « C'est parce que tu es belle que je t'aime, » dit-il à son lévrier, et il baisa doucement la tête serpentine aux yeux d'Agathe. « Veux-tu que je te fournisse un cheval ?» reprit Marcine. « Je ne demande pas mieux. Qu'en veux-tu ? » ?»« Trop con. Donne-moi ta chienne, tu auras mon cheval. »« Ah ! Grand merci, c'est trop cher !» répondit Serge en riant. « Nous sommes deux camarades, Lebedka et moi. Je ne vendrai pas mon frère. Trouve bon que je garde ma belle amie. D'ailleurs, elle ne voudrait pas te suivre. » Marcine ne répondit pas et lança un mauvais regard au superbe animal. « Est-ce vrai ? » dit-il après un silence assez prolongé. « Est-ce vrai, Lebedka, que tu ne voudrais pas de moi pour maître ?» La bête tourna la tête vers lui d'un air indifférent et reporta ses yeux sur Serge. « Veux-tu aller avec lui ?» demanda celui-ci en indiquant Marcine. Lebedka se dressa avec la grâce paresseuse de sa race. Une ondulation serpentine parcourut son corps. Elle s'étira longuement sur ses pattes de devant, puis s'approcha de Marcine qu'elle flaira de tous côtés. Celui-ci avançait la main pour la flatter. Elle recula avec un grondement de menace en montrant ses dents blanches et pointues comme des aiguilles. Serge se mit à rire. « Ouh, vous feriez mauvais ménage, » dit-il. « Allons, allons, ma belle, viens ici. Laisse-le tranquille. » Non sans gronder encore, la noble bête obéit. Marcine la suivit d'un regard haineux. « Quand tu seras à moi, » pensait-il, « il faudra bien que tu cesses de m'en vouloir. » Un mois s'écoula. Serge avait trouvé ailleurs le cheval dont il avait besoin. Les chasses d'automne avaient commencé, et tous les matins, avant le lever du soleil, il s'en allait au champ avec Lebedka. Jamais il ne rentrait sans rapporter deux ou trois lièvres, artistiquement pris par la chienne qui ne tachait jamais une goutte de sang la robe de neige dont elle était fière. D'un coup de dent, elle cassait les reins au pauvre animal sans gâter la fourrure. Serge avait tapissé le parquet de sa chambre avec la peau des lièvres qu'elle lui avait ainsi rapportée. En revenant d'une foire de district, Marcine s'arrêta pour passer la nuit chez son ami. Le lendemain matin, il fut de la partie. En voyant à l'œuvre la belle chasseresse, il sentit revenir plus ardent que jamais le désir de se l'approprier. « Vends-moi ta bête, Serge, je t'en supplie !» dit-il à Manourov. « Je t'ai déjà dit que non !» répondit celui-ci avec quelque sécheresse. « Je ne comprends pas que tu ne comprends pas que cela m'ennuie de te refuser quelque chose, » ajouta-t-il en riant, afin de pallier la dureté de sa réponse. « Je te la volerai alors !» dit brutalement Marcine. « Essaie !» répondit Serge, croyant à une plaisanterie. « Tu ne l'auras pas depuis 2 heures qu'elle aura déjà repris le chemin de chez nous. » À l'heure du déjeuner, les deux amis se dirigèrent vers la maison. Désireux de ne pas témoigner d'humeur à son voisin, Serge déploya plus de cordialité que jamais. La pluie s'étant mise à tomber, la promenade n'était plus possible. Marcine proposa une partie de piquet. On apporta des cartes. Manourov n'était pas très habile au jeu. Comme tous ceux que cela ennuie, il était distrait, et sa distraction finit par lui coûter cher. Il avait perdu une assez grosse somme lorsqu'il devint nerveux. Sa mauvaise chance l'agaçait. Non pour l'argent perdu, mais à cause d'un vieux levain de superstition qui naît avec le russe et que la vie de campagne ne contribue pas peu à développer. « Hum, c'est un mauvais jour !» dit-il avec dépit en se voyant battu pour la 5e fois. « Pas pour moi !» fit observer Marcine en mêlant les cartes avec un sourire machiavélique. « Ne jouons plus d'argent, veux-tu ? » ?»« Quoi alors ?»« Jouons des chevaux !»« C'est une idée !» s'écria Serge. « Voyons si la chance est meilleure avec les chevaux qu'avec les roubles !» Il se remit au jeu avec une ardeur nouvelle. Gagna, perdit. Perdit encore. Et finalement se trouva débiteur de 3 poulains et 1 000 000 de roubles. « Pfff, je perdrai jusqu'à minuit, » dit-il découragé. « Ce n'est pas la peine de continuer. »« Veux-tu que je te donne ta revanche ?» dit Marcine. « Je te joue tout ce que tu as perdu contre... »« Contre quoi ?»« Contre Lebedka. » »« Grand merci !» dit Serge en riant. « J'aime mieux te payer. » « Mais quelle ténacité !» continua-t-il en se dirigeant vers son bureau où il prit la somme qu'il avait perdue. « Tu n'as pas des masses d'idées, mais celles que tu as te tiennent bien. »« Ta chienne me plaît, » répondit Marcine en regardant par la fenêtre. « Eh bien, mon cher, tu pourras te vanter d'avoir eu dans ta vie une passion malheureuse. » La nuit venait. Le dîner fut servi, puis Marcine demanda son équipage malgré la pluie qui n'avait pas cessé. « Je ferai conduire demain chez toi les chevaux que tu m'as gagnés, » dit Serge comme son ami prenait congé de lui. « Ce n'est pas la peine. Ne te presse pas. Je viendrai les chercher ou bien j'enverrai. » Voyant la porte ouverte, Lebedka mit le bout de son museau à l'air, la fraîcheur humide la tenta et elle sortit sans se presser, avec un joli balancement de hanches qui faisait luire comme de l'argent les longues mèches soyeuses de sa blanche toison. Serge n'y prit pas garde. Marcine la regarda disparaître dans la nuit noire et prit son mouchoir de poche à la main. « Je crois que je m'enrhume, » dit-il. « Écoute, Serge, encore une proposition. La dernière. Veux-tu tout ce que tu as perdu aujourd'hui et mon plus beau cheval pour ta chienne ?» Manourov secoua la tête négativement. « Je double l'offre !» fit Marcine comme saisie de la fièvre. Il tremblait d'agitation nerveuse. Ses yeux brillaient et ses mains tordaient avec une sorte de crispation le mouchoir qu'il tenait toujours. « Veux-tu une troïka de mes meilleurs chevaux et 3 000 roubles comptant ?»« Non, » dit Serge. « Tu me fais de la peine, mon cher ami. Mais quand j'ai dit non, c'est non. »« Soit !» dit Marcine qui parut calmée. « Sans rancune. Au revoir. » Serge voulait l'accompagner sur le perron avec son valet de chambre. « Ce n'est pas la peine, » dit Marcine. « Il fait un temps abominable. Rentre, tu vas t'enrhumer. » En sortant, il heurta si maladroitement le domestique que celui-ci fit un faux pas. La bougie qu'il tenait à la main s'éteignit. Il jura plus tard que Marcine l'avait soufflé, mais dans le moment, son maître l'appela Dourac, imbécile, et l'envoya en chercher une autre. Pendant ce temps, Marcine était sortie, fermant la porte derrière lui. Serge rentra à pas lents dans le salon. Il y était depuis un moment lorsqu'il entendit le bruit des roues quittant le perron. Il aura eu de la peine à s'installer sans lumière, pensa-t-il. Tant pis pour lui. Il m'ennuie, ce garçon-là. Il s'assit sur le canapé et, au bout d'une seconde, chercha quelque chose autour de lui. « Tiens, » se dit-il, « Lebedka n'est pas rentrée. Avec le temps qu'il fait, elle va être abominablement sale. » Il prit son manteau et sortit sur le perron. Ses yeux essayèrent vainement de découvrir la tache blanche que faisait ordinairement le lévrier dans l'obscurité. Il siffla doucement, puis plus fort. Rien ne répondit. Il lança alors dans la nuit un appel si aigu que toute la maison accourut. « Lebedka est perdue » dit-il. « Cherchez-la !» Il ne voulait pas dire tout haut ce qu'il pensait. Il ne pouvait pas dire à ses gens que son ami lui avait volé son chien. Des valets munis de torches parcoururent bientôt toute l'enceinte des communs et du jardin. 1000 appels se firent entendre, vainement. Serge rentra, le cœur gros. Il avait bonne envie de pleurer. Si bonne envie qu'il se mit les poings sur les yeux en se disant avec énergie « « Je ne veux pas !» La perte de la chienne lui était bien douloureuse, mais si fort qu'il l'aima, il l'aurait peut-être bien donné pour que son ami n'eût point commis cette action sans nom. Au bout d'un instant, la solitude lui parut si lourde qu'il retourna sur le perron. Par habitude, plutôt que par espoir, il lança encore dans l'espace un coup de sifflet perçant. Un faible aboiement, lointain comme un écho, lui répondit. Il tendit l'oreille et recommença. Plus près, derrière la forêt, le même aboiement se fit entendre. Serge rappela ses gens et leur indiqua la direction. Déjà un palefrenier à cheval, muni d'une torche, se dirigeait vers la porte de l'enclos qu'il allait ouvrir. Une masse blanche franchit d'un bond la claire-voie, haute d'une toise, et tomba aux pieds de Serge. C'était Lebedka. Elle se roula 2 ou 3 fois aux pieds de son maître en gémissant de joie et resta pâmée. Il l'enleva, ma foi, dans ses bras, lourde et couverte de boue comme elle l'était, et l'emporta dans le salon sur le canapé. Tous les gens l'y suivirent, oubliant le décorum dans leur joie. Ils aimaient la bonne bête qui n'avait aucune peccadille sur la conscience. On roula Lebedka dans des couvertures, on lui fit boire du lait chaud, et elle n'eut même pas un rhume de cerveau. Marcine seule aurait pu raconter de combien de morsures elle avait émaillé ses mains et ses bras. Il garda le silence. Dans sa joie, Manourov avait presque pardonné la perfidie de son ami. L'affection dont Lebedka venait de lui donner une preuve éclatante lui faisait prendre en pitié le malheureux qu'elle accablait de sa haine. Il se garda bien d'envoyer à son ex-ami les chevaux que celui-ci avait gagnés. J'aurai l'air de vouloir rompre, se dit-il, qu'il vienne lui-même ou qu'il les envoie chercher. 8 jours s'écoulèrent sans que Marcine donnât signe de vie. Enfin, le dimanche suivant, de bon matin, son cocher vint réclamer de sa part les chevaux qu'il avait gagnés. Serge, suivi du messager, se rendit au Taboun. On appelle Taboun un troupeau de chevaux, et par extension, l'enceinte palissadée dans laquelle sont enfermés les chevaux pendant la belle saison. Il choisit en sa présence 3 bêtes sans défaut ni vice, et leur fit passer une longe. 3 palefreniers les firent sortir, non sans quelques difficultés, et les dirigèrent vers la maison. Pendant cette opération, les Betka avaient suivi son maître comme toujours. Le cocher de Marcine semblait ne pas même l'avoir vu. Au moment où Serge surveillait attentivement la fermeture du cadenas à secret qui assujettissait la porte de son Taboun, le cocher présenta à la chienne dans le creux de sa main une friandise sans doute fort appétissante, car elle l'avala sans hésitation et se pourlécha ensuite d'un air satisfait. La chose était si bien de son goût qu'elle vint à plusieurs reprises flairer les poches du cocher, mais celui-ci, indifférent, sembla n'avoir jamais fait attention à elle. Il partit du reste sur le champ, prétextant la nécessité de parcourir en plein jour avec ses jeunes chevaux encore peu dressés la route longue et difficile qui menait chez son maître. « Comme tu voudras, que le bon Dieu t'accompagne, » dit Serge qui caressa une dernière fois le museau de ses poulains. En entrant dans la cour, il fut très étonné de voir les Betka s'approcher de l'auge placée auprès du puits et y boire à longs traits. « Il ne fait pas chaud pourtant, » se dit-il, « mais ce n'est pas son heure. » Puis il se rendit au salon et se mit à pianoter. Rien n'est long comme les après-midi du dimanche à la campagne, quand il ne vient pas de voisins. 2 ou 3 fois, les Betka demanda à sortir. Elle rentrait au bout d'un moment et se recouchait sur le tapis, mais contrairement à son habitude, elle ne dormait pas. Ses yeux, fixés sur ceux de son maître, exprimaient une sorte d'angoisse. 3 heures, le valet de chien vint la chercher pour la soupe. Elle le suivit d'un air morne. « C'est singulier, » se dit Serge en la voyant passer. « Les Betka en graisse. Il faudra que j'y veille. » Et il entama une autre valse. Au bout d'une minute, le valet de chien rentra effaré. « Votre honneur, » dit-il, « les Betka refusent la soupe. »« Hein ?» fit Serge en se levant. « Elle boit tout le temps. Voilà la 4e fois qu'elle boit depuis 1 heure. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Serge. « Ce n'est pas naturel. »« Non, votre honneur, ce n'est pas naturel, » répéta le valet de chien d'un air concentré. Serge leva la tête. Leurs yeux se rencontrèrent. Le jeune homme pâlit et sortit rapidement. Les Betka étaient couchées dans la cour devant l'écuelle pleine. Elles ne pouvaient plus se tenir debout. Sa respiration haletante faisait battre ses flancs démesurément gonflés. En voyant son maître, elle essaya de se lever et cet effort lui fit rendre un peu d'eau. Elle laissa retomber sa belle tête blanche et fine. Serge mit un genou en terre auprès d'elle et la caressa doucement. Toute la maison se tenait alentour, attentive, respectueuse et muette. Tous aimaient leur maître et savaient qu'un grand chagrin l'attendait. Serge passait doucement sa main sur la tête du lévrier qui le remerciait du regard. Il se hasarda à parcourir d'une main compatissante ce pauvre corps déformé, gonflé outre mesure. Comme il approchait de la région de l'estomac, les Betka poussa un cri plaintif et un peu d'eau sortit encore de sa bouche. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Serge, stupéfié par la soudaineté du coup. « Elle a avalé une éponge frite, » répondit le valet de chien. De toutes les cruautés que l'homme peut exercer envers la bête, celle-ci est la plus odieuse. Quand on veut se débarrasser d'un chien, on fait frire une éponge dans du beurre très salé. L'éponge se ratatine et devient toute petite. Bientôt, l'animal a soif. Il boit et l'éponge, débarrassée du beurre par la chaleur de l'estomac, se gonfle peu à peu. La pauvre bête, toujours altérée, boit de plus en plus, jusqu'à ce que l'extrême distension de l'estomac amène la mort. Il n'y a ici ni contrepoison, ni remède. C'est une mort lente, certaine, précédée d'une agonie épouvantable. « En es-tu sûr ?» demanda Serge, blême d'indignation. « Je l'ai vu flairer le cocher, » répondit le valet de chien. « C'est ce lâche Marcine qui l'a tué. Je vous demande pardon, votre honneur, » dit-il confus, en s'apercevant qu'il venait d'insulter un noble, lui, simple serf. « Lâche, en effet, » murmura Manourov. « Ne pouvant pas la voir, il n'a pas voulu me la laisser. »« Elle va mourir ?» demanda-t-il. « Oui, votre honneur. »« Dans combien de temps ?» Le valet de chien hésita. « Dans 3 ou 4 heures, peut-être demain. »« Elle est très robuste, ce sera long. » Tu es sûr qu'il n'y a pas de remède ? Le valet de chien fit de la main un triste geste négatif. Serge monta à sa chambre, prit un revolver, le chargea, l'arma et redescendit. Lebedka avait fermé les yeux. Une écume blanche lui venait sur ses lèvres par moments. Elle poussait de temps en temps un gémissement aigu, se débattait et retombait épuisée. Serge se pencha sur elle. Il ne retenait plus ses larmes qui tombèrent rapidement et chaudes sur la tête intelligente de son ami. « Adieu, » dit-il. « Ma belle, ma bonne Lebedka. Tu étais trop bonne et trop belle. Adieu. » Il l'embrassa sur le front et lui lâcha son revolver dans l'oreille. Elle tressaillit et ne remua plus. Pendant longtemps, Serge garda dans son revolver une balle pour Marcine. C'est aux prières et aux larmes de la vieille Madame Manourov, la mère de Serge, que le misérable doit d'être encore de ce monde. C'était Lebedka, une nouvelle de Henri Gréville.